À l'occasion du premier anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le Comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pekdosan 2017, le Comité suisse-Corée et le Cercle suisse d'études des idées du Juche ont publié le 26 juin une déclaration conjointe. On y a affirmé que le président du Comité des affaires d'État Kim Jong-un achèvera à coup sûr la cause de la réunification coréenne suivant les recommandations du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il et conduira la Corée vers un avenir radieux.